Chapitre 22e. Aurore Fèvre. Une fois de plus, Dutilleul ne pouvait que se réjouir de l'excellent travail de Patricia Martineau. Elle avait obtenu en un éclair un entretien avec Aurore Fèvre ainsi qu'avec sa mère. En fait, c'était cette dernière qu'elle avait eue au téléphone. Madame Fèvre semblait comme soulagée. Le rendez-vous fut fixé en milieu d'après-midi, ce qui n'arrangeait guère Dutilleul, mais il s'en accommoderait. La famille Fèvre résidait à Enghien. Dutilleul connaissait vaguement le coin. Une assemblée générale concernant la clinique s'était tenue dans l'une des salles du casino. Aussi, il n'eut guère de difficulté à s'y rendre. Les Fèvre faisaient certainement partie de la haute bourgeoisie. Ils habitaient une belle meulière avec un jardin soigneusement entretenu. Un jardinier devait être chargé de son entretien. Un coupé sport était garé devant la maison. Il était attendu car dès qu'il arrêta le moteur de sa grosse berline de fonction, Madame Fèvre vint l'accueillir sur le seuil de la porte d'entrée. C'était encore une jolie femme, même si Dutilleul se dit in petto qu'elle ne devait pas être blonde au naturel. Cela lui allait plutôt bien. Elle avait les yeux d'un bleu très clair, des dents parfaites et avoisinait le 1,65 m. La ligne s'était un peu arrondie au fil des ans, sans excès toutefois. Elle avait belle allure dans son twinset gris. Elle le fit entrer dans une grande salle qui faisait office de salle à manger. Dutilleul nota que la table était immense, signe que la famille Fèvre était habituée à recevoir beaucoup de monde. Une théière en porcelaine blanche ainsi que trois tasses étaient sorties. Madame Fèvre débarrassa Dutilleul de son imper et de son écharpe. Le thé lui ferait incontestablement du bien, du moins s'il n'était pas trop infusé. Madame Fèvre le pria de s'asseoir, puis en fit autant. « J'ai pris sur moi de faire du thé. J'espère que vous aimez cela. J'ai pensé que par ce temps... C'est absolument parfait, je suis amateur de thé. » Madame Fèvre parut soudain soulagée, comme si elle avait réussi son entrée en matière. Cependant, Dutilleul la sentait toujours aussi tendue. Aussi se devait-il de la mettre à l'aise. Il ne fallait pas être grand clerc pour voir combien cette femme souffrait. Madame Fèvre poursuivit, la voix un peu hésitante. « Aurore va nous rejoindre dans un instant. La pauvre chérie, elle n'est plus... » La voix se brisa. Dutilleul l'attendit patiemment. Madame Fèvre se reprit avec peine, visiblement gênée de se laisser aller ainsi. « Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis cette terrible histoire. » Comme souvent, Dutilleul choisit de ne pas attaquer de front. Il savait trop bien qu'il n'avait qu'à attendre. « Connaissiez-vous Marion Chardy ?» Madame Fèvre parut comme soulagée qu'il prenne l'initiative. « Non, je ne l'ai jamais rencontrée, mais Aurore en parlait tout le temps. Je crois qu'elle l'intriguait beaucoup et surtout, elle l'enviait. » Elle ne cessait de nous rebattre les oreilles. Qu'elle, au moins, elle avait son propre appartement et qu'elle faisait ce qu'elle voulait. « Votre fille ne se sentait pas bien chez vous ? Le problème n'était pas vraiment là. » Madame Fèvre eut alors un petit sourire, non dénué de charme, et reprit « Commissaire, vous connaissez comme moi les jeunes d'aujourd'hui. Ils veulent plus que tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Aurore, à cette époque, n'échappait pas à la règle. Ce n'est pas que nous n'en avions pas les moyens. Mon mari avait et a toujours une très bonne situation. Mais nous trouvions qu'Aurore était trop jeune pour prendre son autonomie. Nous voulions attendre un peu, et puis, pourquoi le cacher ? C'est toujours dur de voir partir un enfant. Cela aurait fait un tel vide. Pour être franche, je n'étais pas prête. J'ai toujours eu des relations privilégiées avec mes enfants. Nous en avons trois. Nous avons eu la chance de ne pas avoir à subir de grosses crises d'adolescence. Ce sont des enfants responsables. Ils l'ont toujours été. Nous nous sommes attachés, mon mari et moi, à leur faire comprendre très jeunes combien ils étaient privilégiés. Les deux garçons l'ont tout de suite intégré. Aurore a eu, disons, un peu plus de mal. Sur ce plan, la mort de Marion Chardy a représenté un véritable traumatisme, dont, hélas, elle ne parvient toujours pas à se remettre. Seul aspect positif, elle a rompu les ponts avec certaines de ses amies et notamment une certaine Jessica, que personnellement j'avais en horreur. Elle se met du fond de teint partout. Elle avait vraiment une mauvaise influence sur ma fille. J'ai été soulagé quand Aurore lui a dit son fait. Dutilleul entendit un bruit de pas très léger. La personne qui approchait n'avait pas pris la peine de se chausser et bientôt du tilleul vit apparaître une jeune fille assez grande, aux yeux rougis. Elle portait un vieux survêtement déformé, et du tilleul constata que les ongles étaient rongés jusqu'au sang. Les cheveux étaient emmêlés et une marque rouge sur la joue lui indiqua que la jeune fille venait probablement de sortir de son lit. « Veux-tu un peu de thé ?» demanda la mère d'une voix douce teintée d'inquiétude. « Oui, je veux bien, » répondit la jeune fille dans un souffle. Puis, de but en blanc, elle s'adressa à du tilleul. « Vous enquêtez sur la mort de Marion ?» Le ton ressemblait à une supplique et du tilleul n'y vit pas malice. « Oui, » répondit-il gentiment. « En fait, je suis chargé de reprendre l'enquête à zéro. »« C'est bien, » répondit la jeune fille dans un effort louable pour ne pas pleurer. « Je rêve tout le temps d'elle. C'est horrible. Qui a pu faire ça ? Elle était super. »« Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda doucement du tilleul. Orofèvre le regarda vraiment pour la première fois. « C'était la fille la plus cool que j'ai jamais connue. » Elle ne se la pétait pas. Pourtant, elle aurait pu. Elle était blindée de fric. Vous le saviez ? Tout le monde le savait. Marion en parlait d'une façon si drôle. On aurait dit que tout cet argent représentait un poids terrible pour elle. Au début, je pensais que c'était de la comédie, tellement c'était incroyable. Orofèvre eut alors un pauvre sourire en regardant sa mère, mais n'en poursuivit pas moins. Est-ce que je pouvais être conne à l'époque ? Ne dis pas cela, répliqua doucement sa mère. Tu en voulais toujours plus, mais c'était de ton âge. Ne cherche pas à me réconforter, maman, je sais que j'étais infecte. Je ne me rendais pas compte de la solitude de Marion. Pensez-vous qu'elle en souffrait ? Elle n'en parlait jamais, mais oui, elle en souffrait terriblement. Suscitait-elle des jalousies ? Non, curieusement pas. De toute façon, elle était plutôt le genre discret. Elle bossait comme une dingue, toujours le nez plongé dans ses bouquins. C'est pour ça qu'elle avait des notes du tonnerre, pas comme moi. Vous est-il arrivé de sortir avec elle ? Oui, bien sûr, on s'est fait quelques restos. Chinois, souvent, car ils ne sont pas chers. Comment se comportait-elle ? Si Marion étudiait, elle n'était pas pour autant un rat de bibliothèque. Elle aimait rire, écouter les blagues des garçons. Franchement, on se marrait bien avec elle. Elle était simple, patiente, une bonne copine, vraiment. Avait-elle un petit copain ? Pas que je sache. Ou alors il ne faisait pas partie de notre groupe. Je sais que Bastien Fleury en pinçait pour elle, mais elle le trouvait sympa, sans plus. Pourtant, Bastien n'était pas le plus moche de la bande. Êtes-vous déjà allé chez elle ? Le visage d'Aurore s'illumina soudain. Plusieurs fois, c'était même super. Pour réviser les cours, on était au calme. Marion aurait vraiment pu avoir un super appart si elle l'avait voulu. Pourquoi dites-vous cela ? Ben, elle n'était pas vraiment installée. J'avais l'impression qu'elle campait au milieu de ses cartons. C'était très curieux. Je ne comprenais pas pourquoi elle vivait comme cela. Vous lui en avez parlé ? Orofèvre adressa un reproche muet à du tilleul. Non, je n'étais pas sa mère. Je comprends. Avez-vous déjà croisé quelqu'un à l'appartement ? Non. De toute façon, on y passait qu'entre deux cours. Vous n'avez jamais croisé la femme de ménage ? Si, deux ou trois fois, mais elle ne comptait pas puisqu'elle était assez effacée. Comment avez-vous appris le meurtre de Marion ?